بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سنبدأ الليلة الدرس الثاني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. Nous allons commencer aujourd'hui le deuxième cours dans la biographie du prophète صلى الله عليه وسلم. On a vu donc la semaine dernière que la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle va jusqu'à trois petits points qui fait partie des descendants de Ismaïl, barakallahu fikoum. Younous, tu réponds ou pas? Les trois petits points. Non? Elle va jusqu'à où sa descendance? Là, avant Adnan, on avait dit jusqu'à Adnan, et Adnan qui fait partie des descendants de Ismaïl, qui est le fils de Ibrahim. طيب فذكرنا في الدرس الأول شيئا من المصادر التي يعتمد عليها في السيرة. Nous avons vu lors du premier cours quelques documents ou du moins les sources qui sont utilisées pour connaître la sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa tatarakna ila nasabihi sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons abordé aussi sa lignée comme nous venons de voir sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadha an-nabi huwa Abu al-Qasim. Et donc ce prophète c'est Abu al-Qasim. Wa huwa Muhammad. Et c'est Muhammad. Wa huwa Ahmed. Et c'est Ahmed. Wa huwa al-Mahi الذي يمحى به الكفر والشرك. Et donc parmi ces noms il y a al-Mahi. Al-Mahi, celui par qui la mécréance et le polythéisme sont effacés, sont radiés. وهو العاقب الذي ما بعده نبي. Et parmi ces noms il y a al-Aqib. C'est celui dont il n'y a pas de prophète après lui. وهو الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه. Et c'est aussi parmi ces noms al-Hashir, c'est-à-dire le premier à être ressuscité sallallahu alayhi wa sallam. Wa huwa an-nabi al-ummi. Et donc c'est le prophète qui est illettré. Allah tabaraka wa ta'ala il dit الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, celui qu'ils trouvent écrit auprès d'eux dans la Torah et dans l'Évangile, il les appelle au bien et leur interdit le mal. إذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكر في الكتب السابقة أنه أمي. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم, il a été cité dans les livres précédents qu'il est illettré. Et quelle est la sagesse en cela? Le fait que le prophète soit illettré. Faut pas qu'on dise qu'il a pris quoi? Faut pas qu'on dise qu'il a appris ça, qu'il a lu ça dans les livres de. Qu'il a lu quoi? Qu'il a lu l'Injil et Torah. Précise encore plus, t'es proche. Qu'est-ce qu'il y a dans l'Injil et Torah? Et donc c'est tout simplement pour que les gens ne disent pas que les informations qu'il y a dans le Coran qui concernent les peuples précédents, les histoires des peuples précédents, pour que les gens ne disent pas qu'il a pris ça dans les livres. dans les livres tels que la Torah, l'Évangile et d'autres. Non. Il ne peut pas le faire parce qu'il ne lit pas et n'écrit pas. Et donc, lorsqu'il cite ces informations, alors qu'il ne lit pas, n'écrit pas et ne les fréquente pas, il est de Quraysh. Il n'était pas avec eux. Il ne connaît pas leur histoire. Mais Allah tabaraka wa ta'ala l'a informé. Et c'est pour cela que Allah azza wa jal, il dit: وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Avant cela, tu n'écrivais aucun livre. Et tu ne récitais aucun livre. Et tu n'en écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient douté. Le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam écrive ou lise, cela aurait été une cause pour qu'il doute. وَلَكِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى سَدَّ عَلِيهِمُ الْبَبِ. Allah, il leur a fermé la porte. لَيْسَ لَهُمْ حُجَّةٌ. Ils n'ont pas de preuve après cela. Il faut y croire. Il faut y croire à ce prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. كَذَلِكَ. Et parmi les caractéristiques de ce prophète, annahu la yuwarith. Il n'accorde pas, il ne laisse pas d'argent en héritage. Il ne laisse pas d'argent en héritage. Nous, chacun d'entre nous, si nous avons des biens, après la mort, nous laissons nos biens en héritage. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non. Il ne laisse pas. Il n'a pas laissé de bien en héritage. فَمَا الْحِكْمَةُ مِنْ هَذَا. Quelle est la sagesse en cela ? قَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ حَتَّى لَا يَقُولَ النَّاسُ إِنَّهُ إِنَّمَا جَاءَ لِيَجْمَعَ الْأَمْوَالِ لِذُرِّيَّتِهِ. Afin que les gens ne disent pas, les gens de science, ils ont dit que cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne laisse pas d'argent en héritage, afin que les gens ne disent pas qu'il est venu, certes, pour rassembler de l'argent pour sa descendance. Il n'est pas venu pour rassembler de l'argent pour sa descendance. Allah a fermé la porte. Et donc, ses enfants et sa descendance, il ne leur est donné quoi que ce soit comme argent. Fehum la tajouz ou lahum kedelik al miras. Et donc, ses enfants et sa descendance, ceux qui viennent après ses enfants, il ne leur est pas permis de prendre de l'héritage. فَالنَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَاتَ وَأَخَذَ أَبُو بَكْرَ الْمَالِ لِبَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est mort, Abu Bakr, il a pris les biens du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il les a placés dans بَيْتُ مَالِ الْمُسْلِمِينَ, c'est-à-dire le trésor, ce qu'on appelle aujourd'hui le trésor public, qui existait déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que les gens appellent aujourd'hui trésor public. فَهَذِهِ مِنَ الْحِكْمَةِ حَتَّى لَا يُطْعَنَ فِي النَّبِي sallallahu alayhi wa sallam وَيُقَالُ عَنْهُ إِنَّهُ يَتَأَكَّلُ بِالدَّعْوَةِ. Et cela, c'est pour préserver le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la critique, qu'il soit dit à son égard qu'il profite de la da'wa pour manger l'argent des gens. وَهَذَا يُذَكِّرُنَا بِحَالِ الْمُسْلِمِينَ الْيَوْمِ. Et cela nous rappelle la situation des musulmans actuellement. سُرْعَانَ مَا يَتَّهِمُونَ النَّاسِ بِالتَّأَكُّلِ بِالدَّعْوَى. Comme les gens, ils accusent les autres rapidement d'abuser de la da'wa pour se nourrir et pour gagner de l'argent. قِيلَ هَذَا فِي بَعْدِ إِخْوَانِنَا الدُّعَاةِ فِي فرنسا وَفِي بَعْدِ الْمَشَيْخِ. Cela a été dit de certains de nos frères, les prédicateurs en France, et de certains méchaïrs. Des accusations lourdes. Rappelez-vous la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: مَنْ قَالَ فِي أَخِيهِ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهِ اَيْنَ رَدَّ غَتَ الْخَبَلِ. Celui qui dit de son frère ce qui est faux à son égard, Allah va le loger dans la boue de l'humiliation. Le lieu dans lequel se rassemble le plus des gens de l'enfer. Et donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. Le fait d'accuser des gens aussi facilement. Allah tabaraka wa ta'ala a préservé son messager. Il a préservé son messager. Il a fermé la porte afin que les gens ne puissent pas venir avec cette critique. Et donc nous revenons vers notre sujet. Et donc, parlons maintenant de sa naissance. Sallallahu alayhi wa sallam. Il est né hein? Hein? Non, mais il est quel jour? Un lundi. Un lundi. Akhraja muslimun fi sahihihi. أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما تقول في صوم يوم الاثنين. مسلم il a cité dans son recueil qu'un bédouin est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم en disant ô messager d'Allah, que dis-tu du fait de jeûner le lundi? Le prophète صلى الله عليه وسلم a répondu en disant ذلك يوم ولدت فيه وَأُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ. C'est le jour durant lequel je suis né. Et c'est le jour durant lequel il m'a été fait révélation. Et donc, nous avons la preuve. Nous connaissons quel jour de la semaine, durant quel jour de la semaine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né. Et en quelle année? Amel Fil, comme vous l'avez dit. L'année de l'éléphant. Pourquoi est-ce qu'elle a été appelée comme cela cette année? Naam. Et donc, il y a donc Abraha qui voulait détruire la Kaaba. Mais il a manigancé un plan. Il a manigancé un plan afin d'être sûr de détruire la Kaaba. Mais ils ne savent pas que wa makaru wa makara Allah. Et donc lorsqu'ils rusent, Allah il ruse contre eux. Ils sont donc venus avec un éléphant afin donc de terrasser et de combattre les habitants de la Mecque. Mais Allah tabaraka wa ta'ala les a protégés sans combat. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? N'as-tu pas vu ce qu'a fait ton Seigneur des gens de l'éléphant? Elam yaj'al kaydahum fi tadlil. N'a-t-il pas fait en sorte que leur ruse soit vaine? Les gens, ils peuvent ruser. Souvent, on a les musulmans qui s'attardent, malheureusement, à penser, oui, mais tel et tel groupe, ils rusent contre nous, et. Au lieu d'apprendre sa religion, il est en train de réfléchir, oui, eux, ils rusent contre nous, eux, ils font. Tu discutes avec lui? Masha'Allah, il te connaît, oui, les États-Unis, ils font ça, eux, ils font ça, on a les juifs qui font ça, et tu dis, t'arrêtes, et le prophète, il a fait quoi? Ah. Ya, t'inquiète pas, Allah, tabaraka wa ta'ala, il préserve sa religion, c'est parti de Médine, regarde jusqu'à où elle est arrivée, cette religion, on est ici à Villerue, ne t'inquiète pas, Allah, il préserve sa religion, occupe-toi de toi-même. فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. Il leur a envoyé des oiseaux par volée sur cette armée. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ. Qui leur envoyait des pierres d'argile. Est-ce que vous imaginez des oiseaux en grand nombre qui viennent et qui envoient des pierres sur un peuple? Comment tu te protèges? Tu peux pas aller dehors, tu peux rien faire. Comment tu te protèges? Subhanallah. Allah, il fait ce qu'il veut. Et donc nous, Il faut qu'on s'occupe de nos affaires. On apprend notre religion. On apprend comment il était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On apprend quelle était sa croyance, quel était son comportement. Et on délaisse tous ces sujets qui ne nous regardent pas. Tous ces sujets qu'on va trouver sur YouTube. Aujourd'hui, les gens, ils veulent apprendre ce qui leur intéresse sur YouTube. YouTube. Tu les dis, t'as, tu connais Sahih al-Bukhari? Tu connais le livre de l'imam Malik? Tu connais ci, tu connais ça? Non. Pourquoi? Ashab YouTube. Malheureusement. Et donc, on revient à notre sujet. Allah tabaraka wa ta'ala, il les a terrassés durant cette année. Cette année a été appelée l'année de l'éléphant. Idan, la khilaf annahu wulida yawm al-ithnain fi am al-fil, lakinnahum ikhtalafu fi tarikh yawm al-wilada. Et donc, il n'y a pas de divergence concernant le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est né le lundi durant l'année de l'éléphant. Mais ils ont divergé, les savants, concernant la date exacte. Certains ont dit « Al-thani achar min Rabi' al-Awwal ». Et donc certains ont dit que c'était le 12 du mois de Rabi al-Awwal de l'année de l'éléphant. D'autres ont dit « Al-thamin », le 8. Ils ont divergé. Et ça, ce sont les deux avis les plus connus. Sinon, il y a plus d'avis que cela encore. Et donc la date exacte, nous ne la connaissons pas. « Wa hadha min ar-rududi ala ha'ulai alladhina ahdathu lana » El-Ihtifal bil Mawlid al-Nabawi. Et cela fait partie des répliques faites à ceux qui ont inventé la fête de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu leur dis, Taïb, darastum siratahu? Tu leur dis, ok, vous avez étudié sa biographie? Oui. Taïb, athbitu lana bi isnadin sahihin. أنكم تعرفون تاريخ ميلاده. Et donc prouvez-nous avec une chaîne de transmission authentique que vous connaissez sa date de naissance et que c'est celle du jour que vous fêtez. Allez, prouvez-le-nous. Prouvez-le-nous. Et après cela, نقولوا لهم أيضا, et après cela on leur dit encore, وهؤلاء الصحابة الذين كانوا معه والقرون المفضلة. Et ces sahaba, les compagnons qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les trois premières générations, selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit d'eux, khayrun nas qarni, les meilleurs des gens sont ma génération, thumma alladhina yalunahum, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent. Hal haula kanu yahtafiluna bi mawlid an-nabi sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce que ces gens, ils fêtaient la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Yakulun la, hadhihi tariqa, li ithbati mahabbati nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, non, ceci est une méthode pour montrer qu'on aime le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ah, tu veux aimer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux aimer le prophète, tu veux aimer Allah. Oui. Ah, c'est bien. Qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni. Dis, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Tu suis le prophète dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a enseigné à ses compagnons. Tu n'innoves pas. هل يعقل أن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كانوا لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم إلى مثل ما تحبونه أنتم؟ Est-ce que c'est compréhensible? Est-ce que c'est possible que les compagnons, les tabi'in et les adba' al-tabi'in, ils n'aimaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme vous l'aimez vous, jusqu'à inventer cette fête. Et donc, à tous ces gens-là, il faut juste leur dire, venez, on va prendre un petit cours sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et bien, idnillah, ça va leur faire du bien. Incha'Allahu ta'ala, et on invoque Allah tabaraka wa ta'ala pour qu'il guérisse les cœurs de ceux qui sont malades et qui rajoute dans la religion d'Allah, ce qui n'en fait pas partie. ثم أخرج ابن إسحاق في السيرة بإسناد صححه الذهبي. Ibn Ishaq, il a cité dans son livre As-Sira, avec une chaîne de transmission qui a été jugée authentique par l'imam Al-Zahabi ainsi que l'imam Al-Albani, qu'Allah leur fasse miséricorde. Anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam a call Ru'ya ummi alladhi ra'at hinama hamalad bi ka'annahu kharaja minha nurun أضاءت له قصور الشام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le rêve qu'a fait ma mère lorsqu'elle était enceinte de moi, comme si c'est une lumière qui sortait d'elle, qui a illuminé les châteaux du Shem. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu donc avec une lumière, le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala, combien de passages dans son livre il décrit le Coran par cette lumière. Nouran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Une lumière par laquelle nous guidons ceux que nous voulons parmi nos serviteurs. Et donc sa mère, elle l'avait déjà rêvé de cela. Les savants, ils ont cité ce hadith parmi les... On a vu plusieurs types de livres concernant la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith, on peut le placer dans quel type de livre qu'on a vu la semaine dernière? Hein? Tu peux placer dans Fadail, mais je t'aurais dit, tu peux faire plus précis encore. Plus précis encore. Hein? Non. Ad-dala'il. Ad-dala'il, les preuves de sa prophétie, sallallahu alayhi wa sallam. Les preuves qu'il est prophète. Il y a plusieurs éléments qui se sont passés qui viennent prouver que c'est réellement un messager d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ja'a aydan, inda ibn Ishaq, بأسانيد حسنة أن اليهود كانوا يخبرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيخرج. Et certes, il a été cité aussi dans le recueil d'Ibn Ishaq, avec des chaînes de transmission correctes, que les juifs informaient de la venue du prophète صلى الله عليه وسلم. فجاء عن حسان بن ثابت أنه قال كنت ابن سبع سنين أو ثمان أعقل كل ما سمعت إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى أطم يعني على حسن من حسون اليهود بيثرب. Et donc il a été rapporté selon Hassan ibn Thabit qu'il dit: j'étais un enfant de 7 ans ou 8. Je comprenais tout ce que j'entendais. Lorsque j'ai entendu un juif qui criait au-dessus, donc, d'une citadelle, parmi les citadelles des Juifs, à Yathrib. C'est où Yathrib? Ah, vous avez tous soufflé la réponse. Et donc, Yathrib, El-Médine. Et donc, ce Juif, il a crié: Ya ayyuhal Yahoud, oh les Juifs, oh les Juifs! Jusqu'à ce qu'ils se sont rassemblés autour de lui. Malheur à toi, qu'est-ce que tu as? Il dit donc: cette nuit est sorti Ahmed. Certes, son étoile est apparu. Et donc les Juifs avaient déjà annoncé la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Waja'a 'inda Abi Nu'aym fi ad-dala'il bi asanid hasana. An Zayd ibn Amr ibn Nufail annahu qala li habrun min ahbar ash-Sham qad kharaja fi baladik nabiyyun aw huwa kharij fadhhab aw faqad kharaja najmuhu farji' wasaddiqhu wattabi'hu. Allahu akbar. Il a été rapporté dans le recueil d'Abi Nu'aym dans Ad-Dala'il avec des chaînes de transmission correctes que Zayd ibn Amr ibn Nufail, il a dit, un rabbin parmi les rabbins du Shem m'a dit, certes, un prophète est arrivé vers chez vous. Ou alors, il va arriver. Son étoile a certes apparu. Alors retourne, crois-le et suis-le. Ça, c'est un rabbin. Et donc, ces gens-là, ils savaient. Fait, Cheikh Arafat, hafidahullah, d'abord je précise un point important, c'est lorsque je veux dire ici dans ces cours de Sira que le hadith est authentique ou correct, etc., ce n'est pas ma recherche à moi. Si je trouve le temps de vérifier, alors je le ferai. Mais sinon, je me base donc sur la recherche du Cheikh qui a déjà fait toutes les recherches par rapport à cela. Hafidahullah ta'ala. Et donc le cheikh, il nous dit que les juifs, ils informaient de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Walakin, hunak ma huwa akthar min dhalik. Cependant, il y a plus que cela encore. Bal kanu yuhaddidun an-nas. Ils menaçaient les gens. Ils menaçaient les gens par la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit, ولما جاءهم كتاب من عند الله وكانوا مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Lorsque leur est venu d'Allah un livre qui confirme ce qu'ils avaient auprès d'eux, alors qu'il recherchait la victoire par sa cause contre les mécréants. Lorsque est venu, donc, ceux-là, ils ont mécru. Falanatullahi ala al-kafirin. Alors que la malédiction d'Allah soit sûre, alors la malédiction d'Allah s'abat sur les mécréants. Ibn Kathir, il dit dans son tafsir, وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. Et avant, ils recherchaient la victoire par sa cause contre ceux qui ont mécru. Il dit Ibn Kathir, أي وَقَدْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ مَجِيءِ هَذَا الرَّسُولِ بِهَذَا الْكِتَابِ يَسْتَنْصِرُونَ بِمَجِيئِهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إذا قاتلوهم يقولون إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرام. Et donc il dit Ibn Kathir, cela signifie que avant la venue de ce prophète avec ce livre, c'est-à-dire le Coran, ces gens-là, les juifs, ils menaçait en recherchant la victoire par la cause de ce prophète contre leurs ennemis, les mécréants, les polythéistes. Lorsque ceux-ci les combattaient, ils disaient, c'est-à-dire les juifs, ils disaient, un prophète sera envoyé, fi akhiriz zaman, à la fin des temps, nous allons vous tuer avec lui. C'est-à-dire, nous serons avec lui et on va vous tuer. Ils disaient ça à leurs ennemis. Et on va vous tuer kotla adin wa iram. Nous allons vous tuer de la même façon dont étaient tués Ad et Iram. Ça veut dire quoi ça? Hein? Exterminé. Il n'y en aura plus aucun. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit dans le Coran, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. N'as-tu pas vu ce que ton Seigneur a fait de Ad? Iram dhatil imad. Iram, la cité autour élevée, des grandes protections dures à atteindre, Allah les a terrassées, exterminées. Et donc cette expression est utilisée pour montrer, il disait, quand ce prophète va venir, on va être avec lui, on va croire en lui, et on va vous combattre tous. Subhanallah. فَلَمَّ جَاءَ وَلَمَّ بُعِثَ فِي الْعَرَبِ كَفَرُوا بِهِ حَسَدًا عَلَى الْعَرَبِ. Lorsque le prophète a été envoyé faisant partie des Arabes, ils ont mécru par jalousie envers les Arabes. Par jalousie envers les Arabes. وَفِي هَذَا يَا أَيُّهَا الْإِخْوَى عِبْرَةٌ عَظِيمَةٌ. Il y a en cela une leçon très importante. وَهِيَا خُطُورَةٌ تَرْكِ الْعَمَلِ بِالْعِلْمِ. Il y a en cela le danger quant au fait de délaisser les œuvres avec la science. C'est pour cela que les Juifs, ils ont été appelés al-mardoubi alayhim. C'est pour ça que les Juifs, c'est eux qui ont encouru la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et nous disons, comme disaient nos pieux prédécesseurs, man fasada min ulama'ina fa fihi shabahun min al-yahoud wa man fasada min ubadina fa fihi shabahun min al-nasara. Celui qui devient corrompu parmi nos savants, alors il y a en lui une ressemblance aux Juifs. De la même façon que celui qui devient corrompu parmi nos adorateurs, ceux qui adorent beaucoup mais qui n'ont pas de science, alors il y a en cela une ressemblance aux chrétiens. Et donc mes frères, je me recommande ainsi qu'à vous l'importance d'œuvrer avec la science. Car tout ce que tu apprends, tous les cours auxquels tu assistes, et ensuite si tu délaisses cette science, c'est une preuve contre toi, Yawm al-Qiyam. C'est une preuve contre toi au jour du jugement. Tout comme cette science qu'ils avaient, les Juifs, est une preuve contre eux au jour du jugement. Idhan, ra'ayna anna abahu tufiya wa huwa fi batni ummihi. Et donc, nous avons vu que ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, son père, il est mort alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était dans le ventre de sa mère. Wa ummuhu tufiyat wa huwa ibnu kam sitt sinin. Sa mère, elle est morte alors que lui, il avait 6 ans. Walakin qabla an tamut kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi badiyati bani sa'd. Avant que sa mère ne meure, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était donc dans le désert de Beni Sa'd. Arda'athu Halima. Et donc, c'est Halima qui l'a allaité. Halima al-Sa'diyya. Wa qad ishtahara fi kutub al-siyar wal-maghazi annaha hiya allati arda'athu. Il a été propagé dans les livres de Sira, de biographie, et les livres de al-Maghazi liés aux batailles, que c'est elle, Halima al-Sa'diyya, qui a allaité le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa aqama ma'aha nahwa arba' sinin. Et certes, le prophète, il est resté avec elle pendant 4 ans. Pendant 4 ans. Sa mère l'a donc laissé avec Halima al-Sa'diyya dans le désert pendant 4 ans. Pourquoi? Attends. Tu as déjà donné plusieurs réponses. On va donner à d'autres, on va partager un peu. Le rendre robuste, plus fort. Et quoi d'autre encore? Aussi la langue. Barakallahu fik. Et donc, c'était pour qu'il soit fort. Il soit fort corporellement, mais aussi dans la langue arabe. Et c'est la Et donc, pourquoi? Parce qu'il est connu que les gens, lorsqu'ils vont dans les villages ou dans les contrées un peu lointaines, ils ont encore, mashallah, avec beaucoup de force. Pas comme nous, là. C'est qu'il en a le moindre truc, on a mal un peu. Et donc, le prophète, les Arabes, ils envoyaient souvent donc leurs enfants dans les déserts comme cela pour les renforcer, que ça soit corporellement, mais aussi dans la langue arabe. Pourquoi? Parce que il était connu que dans ce genre de lieu, les gens, ils parlaient bien la langue arabe. Ensuite, Halima, elle a renvoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers, elle a rendu le prophète à sa mère. وَقِيلَ أَنَّ السَّبَبْ فِي ذَلِكَ هُوَ حُصُولْ شَقْ الصَّدْرِ أَوْ حَادِثَتْ شَقْ الصَّدْرِ. Il a été dit que la cause qui a fait que Halima, elle a rendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à sa mère, c'est l'histoire, donc, de l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque sa poitrine a été ouverte. وهذه الحادثة سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم. Et cette histoire, on va en parler donc durant la semaine prochaine, إن شاء الله تعالى. Par contre, juste avant de conclure, il y a un point que j'aimerais citer, c'est que on a tous entendu parler de cette femme Halima Saadia. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle et avec son peuple lorsque le prophète il est arrivé chez elle? Al-Baraka. Avant, elles avaient faim. Irtafa al-Jou'. Elles n'avaient plus faim. Il y avait beaucoup de nourriture. Etc. etc. Vous avez entendu parler de cette histoire? Non. Le cheikh il nous a dit Hadithun da'if. Comme je vous ai dit, en ce qui concerne la sira, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires qui ont été inventées. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Et donc le cheikh, il dit, en vérifiant cette chaîne de transmission, on constate clairement que cette chaîne de transmission, elle n'est pas authentique. Mais les savants donc sont unanimes sur le fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est bien allé chez Halima. Saadia, et ils sont unanimes sur le fait que c'est elle qui l'a allaité. Mais par contre, toute cette histoire, alors là, il nous faut une preuve avec des chaînes de transmission authentiques. L'histoire que lorsqu'il est arrivé, ils ont eu la bénédiction dans leur nourriture, ils n'avaient plus la faim, etc., etc., il n'y avait plus de sécheresse, etc. Tout cela, il faut donc le vérifier avec des chaînes de transmission authentiques. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa fikum barakallahu.